très charmant le deuil à mi-cuisse. Aussi légère que leur cervelle, trop complice. Un cœur patchwork si tragiquement rapiécé, qu'il ressemble à leurs jeans faussement usés. Elles comparent leurs images dans les glaces des lunettes noires. Miroir pouvoir des fantômes du palace. Le bout du monde, elles en sont sûres, s'appelle Deauville. Elles font les planches roulant des hanches, pas facile. Bouge pas mignonne, j'ai des projets pour toi. Je te ferai reine et je serai ton roi. Fais un sourire, oui, sois docile et crois-moi. Showbiz c'est mon village, toi ton chemin de croix. Calipiche, palindrome, elles font partie de ces perles. Que la nuit enfile sur son fil, face ou pile. Elles veulent chanter, elles veulent danser, faire du cinéma. Leur seule combine, c'est tout montrer et se faire dévorer. Bouge pas mignonne, j'ai des projets pour toi. Je te ferai reine et je serai ton roi. Fais un sourire, oui, sois docile et crois-moi. Showbiz c'est mon village, toi ton chemin de croix. Elles sortent des bains chaque matin, lavées de champagne. Avec un Cyrano pantin à la main. Quoi moi miso, mais sûrement pas, je les aime comme ça. Sylphide nocturne, papesse du look sans foi ni loi. Bouge pas mignonne, j'ai des projets pour toi. Je te ferai reine et je serai ton roi. Fais un sourire, oui, sois docile et crois-moi. Showbiz c'est mon village, toi ton chemin de croix. Bouge pas mignonne, j'ai des projets pour toi. Je te ferai reine et je serai